Si la connaissance de l'antimatière est assez récente, notre capacité à en produire et à la manipuler l'est encore plus. Avec ce problème majeur, dès que l'antimatière entre en contact avec de la matière, les deux s'annihilent. Comment alors conserver de l'antimatière suffisamment longtemps pour l'observer ? Eh bien, c'est déjà en soi une prouesse technologique, mais que se passe-t-il si on lâche de l'antimatière dans un champ gravitationnel comme le nôtre sur Terre ? Est-ce que la particule va chuter comme tout ce que l'on connaît ? Va-t-elle chuter différemment ou va-t-elle remonter ? Une expérience essaye de percer ce mystère, c'est l'expérience GEBAR. GEBAR, antimatière, tu perds ton sang-froid, c'est le programme gravitationnel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour percer ce mystère qui promet peut-être de complètement chambouler la physique contemporaine, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui David Lenay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'IN2P3 à l'université Paris-Saclay. Nous sommes en ligne avec Pauline Comini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA de Paris-Saclay. Mais on commence par celle qui fait remonter chaque jour, non pas l'antimatière, mais la toute dernière actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Communications. C'est la découverte d'un nouveau mode d'action des anticorps à large spectre qui cible le VIH. Et un anticorps à large spectre, c'est un anticorps qui est capable de neutraliser tous les variants d'un virus. À l'heure actuelle, on teste dans des essais précliniques des anticorps à large spectre capables d'identifier tous les variants du VIH. Leur fonction principale, c'est la neutralisation, c'est-à-dire la capacité à se fixer sur une particule virale et l'empêcher d'infecter de nouvelles cellules. C'est à un stade très précoce dans la vie du virus. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont voulu comprendre toutes les fonctions de ces anticorps, ce qu'on appelle le paysage des fonctions effectrices. Dans des expériences in vitro, les chercheurs ont voulu voir s'ils agissaient également à la fin du cycle du virus, au moment où le virus cherche à sortir de la cellule. Ils ont identifié une nouvelle activité antivirale. En plus de neutraliser, ces anticorps à large spectre peuvent aussi empêcher la propagation du virus. Timothée Bruel est chercheur au sein de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Il est le co-auteur de cette étude. Il faut s'imaginer qu'une cellule infectée, c'est comme une usine. En fait, elle fabrique des virus. Et donc, une fois que les virus sont fabriqués, ils sont relâchés par la cellule dans l'environnement pour aller infecter des nouvelles cellules. Et là, en fait, ce qu'on a montré, c'est que certains de ces anticorps sont capables finalement d'empêcher le virus de se séparer de la cellule, vous voyez, d'être libéré dans l'environnement. Et donc, en fait, ça bloque finalement la diffusion des virus, finalement. On a vu que les anticorps avaient cette capacité. Et en fait, on a voulu comprendre pourquoi et qu'est-ce qui expliquait finalement ce phénomène. On savait déjà que les anticorps, ils ont, on appelle ça une forme en Y. En fait, un anticorps, c'est finalement une molécule qui justement ressemble à un Y. Et il faut s'imaginer qu'en fait, elle a deux bras pour attraper, s'accrocher au virus. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vraiment le fait d'avoir deux bras, de pouvoir s'accrocher en deux endroits qui est vraiment important pour ce phénomène. Parce qu'en fait, il faut vraiment s'imaginer qu'en fait, avec un bras, l'anticorps, il va s'accrocher à la cellule. Et avec l'autre bras, il va accrocher au virus. Et après, il va y avoir deux anticorps qui vont, par exemple, avec s'accrocher entre deux virus. Et donc, en fait, ça va créer comme un maillage. Ça va vraiment emprisonner tous les virus ensemble et ça accrocher à la cellule et vraiment empêcher leur diffusion dans l'environnement. Il y a différents niveaux d'importance. Le premier, c'est de comprendre finalement ces anticorps. Ils sont très bons in vivo. Mais en fait, comme vous le savez, il n'y a pas de traitement miracle pour le VIH. Donc, il faut, même si on a des traitements qui marchent très bien, donc les anticorps sont pas encore en traitement, c'est des molécules qu'on appelle précliniques pour l'instant. Mais c'est important de comprendre en fait comment ils fonctionnent, parce qu'en fait si on comprend comment ils fonctionnent, on peut potentiellement essayer d'optimiser leur activité in vivo et améliorer encore les traitements existants. Et après la deuxième chose, c'est que c'est aussi intéressant d'un point de vue purement fondamental de comprendre le mode d'action des anticorps, parce que les anticorps, c'est vraiment une molécule clé dans l'immunité antivirale. Et donc finalement, mieux comprendre l'étendue de leur fonction effectrice et comment ils combattent les virus, ça nous aide à mieux comprendre la réponse antivirale dans son ensemble et donc potentiellement à mieux se préparer à des futurs variants, à des nouvelles épidémies. C'est l'aspect fondamental de notre recherche. On cherche vraiment à comprendre comment le corps réagit face au virus. Voilà, si vous voulez retrouver l'étude initiale publiée dans Nature Communication, vous pouvez en trouver un lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Hier soir, sur le site France Info, dans une tribune, 1400 chercheuses et chercheurs interpellent les candidats et les médias pour s'emparer de la question du climat lors de cette campagne électorale. Une tribune signée notamment par les scientifiques du GIEC et du Haut Conseil pour le climat. Alors que la crise environnementale se trouve en tête des préoccupations des Françaises et des Français, selon les dernières grandes enquêtes d'opinion, les débats se polarisent ailleurs, sur le pouvoir d'achat ou sur l'immigration. Les signataires dénoncent donc l'absence de débat démocratique dans la campagne sur les graves bouleversements en cours, qu'il concerne le climat, l'océan, la biodiversité ou les pollutions. Nous devons au plus vite mettre sur la table les choix qui s'offrent encore à nous et en débattre de manière démocratique, c'est-à-dire publique, éclairée et contradictoire. Par ailleurs, selon une étude parue aujourd'hui dans Proceedings of the Royal Society B, à cause du changement climatique, les fleurs fleurissent plus tôt. Ce sont les conclusions de cette grande étude anglaise. Les chercheurs ont collecté 420 000 observations sur les dates de floraison de 406 plantes. Des données de 2019 et qui remontent jusqu'à des archives de 1753. L'éclosion des fleurs est étroitement liée à la température des mois de janvier à avril. Et suite au réchauffement climatique, les fleurs poussent en moyenne un mois plus tôt depuis 1980. Cette précocité n'est pas sans conséquence pour la faune qui se synchronise sur la floraison de certaines plantes. Et pour finir, selon une étude parue hier également dans Nature Communications, nous avons détecté un nouvel astéroïde troyen terrestre. L'astéroïde troyen, c'est un petit corps qui partage la même orbite qu'une planète. On connaît ceux de Jupiter, Neptune, Mars, Uranus. Et jusqu'à ce jour, autour de la Terre, nous ne connaissions que l'astéroïde troyen 2010 TK7. Après 10 ans de recherche, une équipe internationale vient d'en découvrir un second, XL5 2020. Un astéroïde de type C, carboné, de plus d'un kilomètre de diamètre, qui s'est fixé sur le point de Lagrange L4, une zone de grande stabilité gravitationnelle. Il devrait en rester là au moins 4000 ans avant de se décrocher. Selon les auteurs, XL5 2020 pourrait devenir une base idéale pour l'exploration spatiale et pourrait même devenir une source de ressources. Don't look up, comme les autres disent. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le Journal des Sciences, le prochain. C'est en 1928 que Paul Dirac publie une équation qui combine relativité générale et mécanique quantique, équation dont les solutions concluent à l'existence d'une énergie négative. Ce sont ces solutions qui, pour la première fois, ouvrent la porte à la découverte de l'antimatière. La théorie sera vérifiée expérimentalement 4 ans plus tard, en 1932, par Carl David Anderson, qui observera pour la première fois un électron chargé positivement, et donc un positron. Écoutez la définition que donne de l'antimatière Louis Le Prince Ringuet. Nous sommes en juin 1963. L'antimatière, c'est une matière qui aurait les mêmes propriétés ou à peu près que la matière, mais dont les noyaux seraient constitués par des antiprotons et des antineutrons, alors que les noyaux ordinaires sont constitués par les protons et les neutrons, et autour de ces antinoyaux, il y aurait des électrons positifs, c'est-à-dire des antiélectrons, alors que dans notre matière, ce sont de bons protons et de bons neutrons qui sont entourés de braves électrons négatifs. Avant de parler de l'antimatière, il convient donc peut-être de dire quelques mots des antiparticules qui la constitueraient. Bien, l'antimatière, ce sont les antiparticules. On assemble les particules sous forme de matière. On peut aussi imaginer d'assembler les antiparticules sous forme d'antimatière. La première chose était l'électron positif. Les électrons. Les électrons, ce sont, si vous voulez, des particules, mais enfin, ce ne sont pas des particules au sens puissant du mot. Le sens puissant du mot, c'est au fond, nous en venons toujours à la balance, la mesure de la masse par des chimistes, par notre balance de cuisine, quand nous avons un poids, quelque chose, un morceau de viande, une balle. Donc, on peut mesurer sa masse, c'est formé alors de matière. La matière est tout de même reliée, dans notre esprit un peu retardé, à de la masse. On sera très rassuré le jour où on aura fait de l'antimatière sous une forme pondérable, quelque chose que l'on puisse peser, qui était vraiment une masse, c'est-à-dire des antiprotons et des antineutrons. Mais enfin, ça, c'est tout à fait récent, alors qu'au contraire, les antiparticules sous la forme des antiélectrons, c'est plus ancien. Voilà le physicien historien des sciences Louis Leprince Ringuet à propos de l'antimatière. Peut-être un commentaire, est-ce que vous diriez, David Lunet, que la définition que l'on a aujourd'hui de l'antimatière a évolué ou très peu finalement par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Très peu, oui, mais c'est quand même, c'était assez basique ce qu'il a dit, la matière, l'antimatière, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Enfin, pour moi, l'antimatière, c'est la même chose que la matière. C'est simplement, c'est deux faces de la médaille. Quand on crée, Monsieur Leprince Ringuet a parlé beaucoup de la masse, et on sait très bien, grâce à notre ami Einstein, masse et énergie sont équivalents. Et quand on change la masse en énergie, c'est, pour moi, c'est très naturel qu'on crée l'énergie comme ça, et vice-versa, les particules en perdent. Et c'est très naturel qu'il y aura quelque chose qu'on appelle matière, quelque chose qu'on appelle antimatière, qui part à l'opposé comme ça. Et c'est ce qui se passe dans la nature qu'on observe. Oui. Votre sentiment vis-à-vis de cette définition, Pauline Comigny, est-ce que vous aimeriez la compléter, l'amender, la préciser? Moi, c'est pas tant la définition qui m'a marquée, mais plutôt l'utilisation du conditionnel dans les phrases. C'est-à-dire que c'est une archive de 63, et le antiproton a été découvert quelques années avant, hein, ça date de 55. Mais quand même, il y a du temps entre les deux. Mmh. Et je suis étonnée finalement qu'il emploie, voilà, l'antimatière aurait ses propriétés. Ça reste encore très spéculatif, c'est assez marrant. Mmh. Et j'ai juste noté aussi sur la partie gravitation, que finalement on n'a pas beaucoup avancé quelque part, puisque donc dans cette archive, le prince Ringuet mentionnait d'avoir une masse pondérable d'antimatière, et donc finalement on en est toujours à essayer de peser des particules uniques. Voilà. Alors effectivement, de mieux en mieux. Alors de mieux en mieux, en effet, puisque c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Mais justement, Pauline Comigny, c'est intéressant, puisque vous qui êtes plutôt expérimentatrice depuis cette archive, évidemment, l'étude, la production en laboratoire d'antimatière, on fait des progrès et des pas de géant. Mais et c'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui, une question donc reste parmi tant d'autres: comment cette antimatière réagit-elle à la gravité aujourd'hui? Est-ce que cette question est une question franche, ou c'est une question dont on a la réponse que l'on cherche à démontrer expérimentalement? Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, à ce moment-là, en fait, on a plusieurs écoles, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles la réponse est tranchée depuis très longtemps, et qui vont vous dire simplement, eh bien voilà, si on prend la relativité générale, eh bien, dans la relativité générale, ce qui déforme l'espace-temps, c'est l'énergie. Enfin, c'est le, disons que c'est le tenseur masse-énergie qui nous intéresse. Mmh. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas à chercher, c'est que c'est forcément attractif. C'est-à-dire que la gravitation va être forcément attractive. Et donc, la question est réglée. Voilà. Donc ça, c'est la première approche. Première approche. Et puis après, ce qu'on va amener là-dessus, c'est de voir, est-ce que tout de même, on pourrait pas imaginer qu'il y ait une modification de la gravitation pour l'antimatière, et qui reste compatible avec toutes les observations qu'on a faites sur la matière. C'est-à-dire que si on amène une nouvelle idée, un nouveau modèle, qui dit voilà, j'ai un élément qui permet d'expliquer que l'antimatière va se comporter différemment vis-à-vis de la gravitation que la matière, alors il faut que ce soit compatible avec toutes les observations qu'on a déjà eues sur la matière. Donc c'est pas évident, mais il y a une porte qui est encore ouverte, et donc il faut, voilà, ça vaut le coup d'aller vraiment regarder cette question-là et de trancher une bonne fois pour toutes tous ces débats qui ont lieu à ce sujet. David Linné. Comme dit Pauline, il y a beaucoup de monde pour lequel la question est totalement tranchée. C'est juste pas possible. Alors que on n'a jamais fait une seule expérience dessus. Donc, l'histoire de la science montre qu'il faut quand même mesurer les choses pour avoir les preuves absolues. Et c'est pour ça qu'on est impliqué dans cette manip, parce que c'est s'il y a une chose qui attire un physicien, c'est un expérimentateur, c'est parce que ça n'a jamais été fait. On veut être le premier à le faire. Alors, il y a l'expérience Gebhard dont on va parler, il y a d'autres expériences simultanées qu'on évoquera aussi, mais l'une de ces expériences simultanées, l'expérience base, a publié dans Nature le 5 janvier 2022 et estime que bien sur l'ensemble des tests qui ont été effectués entre des mesures prises entre 2017 et 2019, ces mesures indiquent n'avoir pas observé de différence de comportement particulière et les résultats montrent que ces rapports sont identiques pour un proton et un antiproton, en tout cas dans la limite d'une incertitude expérimentale de 16 millionièmes de millionièmes. Ça veut dire qu'il reste quand même une porte légèrement entrouverte, ou est-ce que c'est un signe ou un premier signe expérimental qui laisse à entendre que là non plus, vous ne risquez pas de trouver une antiparticule d'un seul coup qui s'envole vers le plafond, quoi? L'expérience BASE, c'est une épreuve absolument incroyable. Eux, ils mesurent la masse inertielle d'un antiproton comparé avec le proton, le H-, le proton. Il faut peut-être rappeler en un mot la différence entre la masse grave et la masse inertielle. Rapidement. Tout le débat va être sur c'est un principe d'équivalence entre la masse inertielle, la masse gravitationnelle. D'ailleurs, le prince Ringuet a dit, oui, on pèse, on mesure les masses. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. BASE, ils ont mesuré la fréquence cyclotron dans la masse inertielle, pas du tout la réaction de cette particule par rapport au champ gravitationnel. On va y revenir dessus, mais c'est la comparaison. Le but de cette expérience, c'est d'évaluer la symétrie CPT charge parity time. Et là, il y a quand même encore du chemin à faire. Mais l'expérience est excellente pour ils avancent, ils ont vachement annoncé. C'est un pas en plus sur cette question de la symétrie CPT. Nous avions consacré une émission entière à cette question. On va pas avoir le temps de revenir sur tout, mais si vous voulez. Et c'est pas ce qu'on cherche nous à faire. Non, de toute façon, chercher quelque chose de très différent. Peut-être juste un commentaire rapide en quelques mots, Pauline Comini, sur ces premiers résultats qui viennent de sortir de l'expérience BASE, qui laisse entendre tout de même que ça va pas tout à fait dans le sens d'une distinction de réaction à l'antimatière dans un champ gravitationnel. Oui, alors il y a en fait comme l'a rappelé David, la mesure qu'ils font, c'est avant tout de mesurer c'est un rapport entre la masse et la charge, parce qu'ils sont sensibles à ça dans leur expérience, et puis ensuite ils comparent entre des protons, alors en l'occurrence c'est un hydrogène moins négatif, et puis des antiprotons. Dans la même installation expérimentale. Mais à partir de cette mesure-là, qui en fait est une mesure d'une fréquence, c'est une fréquence de rotation des particules dans leur piège, à partir de là, ils se placent dans le cadre d'un modèle, alors qui est un peu critiqué parce qu'il n'est pas forcément compatible avec des modèles de théorie quantique des champs. Mais disons que c'est un modèle qui a été proposé, qui dit, à partir de là, on peut dire, en se plaçant dans ce cadre, on peut essayer de déduire on observe un effet de la gravitation sur l'antimatière. Donc là, toute la force de BASE, c'est qu'ils ont pu faire leurs mesures à différentes époques de l'année. Et donc ça veut dire que la Terre se situe à différentes positions par rapport au Soleil. Et donc là, en fait, on va non pas s'intéresser au champ de gravitation de la Terre, mais au champ de gravitation de la Terre dans le Soleil. Du système Terre-Soleil. Ouais. Du système solaire, créé par le Soleil. Ouais. Et puis, on peut aller plus loin et de dire, le système solaire est dans une galaxie qui elle-même est dans un amas de galaxies. Et on peut regarder aussi des effets qui seraient causés par le champ de gravitation des amas de galaxies. Donc, c'est ça qu'ils regardent. Et donc, effectivement, quand ils se placent dans le cadre de ce modèle, ils peuvent mettre une contrainte sur l'effet que pourrait avoir la gravitation, enfin un effet différent entre la matière et l'antimatière, mais ça dépend de ce modèle qui est assez critiqué. Donc c'est une jolie mesure, c'est vraiment très très beau. Voilà. Après, mais ça ne répond pas tout à fait à la question du champ gravitationnel terrestre. Voilà, ça a des limites qui sont vraiment débattues. Hein, c'est assez intense. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous plongeons donc dans les débats poussés entre physiciens, théoriciens, expérimentateurs sur la mesure de l'influence des champs gravitationnels terrestres ou plus large des systèmes stellaires ou galactiques sur l'antimatière. Vous voyez comme on vous embarque dans des aventures absolument incroyables dans cette émission. Nous en parlons en tout cas de l'effet du champ gravitationnel sur l'antimatière avec David Lunet et Pauline Comini. Peut-être qu'on peut revenir un peu avec vous, David Lunet, sur deux, trois éléments théoriques pour vraiment bien comprendre de quoi il est question, puisque derrière cette expérience de gravité et d'antimatière, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, un pilier de la relativité générale que l'on cherche à tester, ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que c'est que ce principe d'équivalence ? D'accord, oui, ça a été évoqué déjà par Galileo, ce principe d'équivalence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Avec la fameuse expérience de Galileo sur la tour de Pise, apparemment c'est un peu mythologique, mais il a fait tomber deux différentes masses. Tout le monde pensait que ça allait tomber avec la même vitesse, que ça allait tomber avec une vitesse différente. Et voilà, il trouve le principe d'équivalence qu'il a derrière. Newton aussi a eu la même conclusion. Et il y a beaucoup d'expériences faites par quelqu'un qui est moins connu dans l'affaire, Baron von Uttwosch, qui a travaillé avec un appareillage assez génial qui s'appelle une balance à torsion. Et c'est une balance qui fait une rotation en même temps à une balance comme la balance qu'on connaît. Avec ça, il a le accès sur la masse gravitationnelle ainsi que la masse inertielle. Et selon si ça tourne selon que le Terre tourne autour du Soleil, il peut détecter s'il y a une différence entre l'interaction gravitationnelle avec différentes masses sur la balance. Et avec ça, il a fait beaucoup de mesures jusqu'aux précisions de 10⁻⁸. Presque un PPB, per billion. Et c'est là-dessus que Einstein a dit, bon, je vais dire, l'hypothèse de base de la relativité générale, c'est que je prends que cet principe est valide. Et c'est une hypothèse. Et c'est bien démontré pour pas mal d'expériences avec la matière, mais jamais avec antimatière. C'est ça. Voilà. C'est cette expérience qui a été depuis refaite et qui continue à être faite sur la matière et même sur des expériences dont nous avions parlé à ce micro avec des satellites dans le exactement, vide. Exactement, microscope. Cherche, voilà, ouais, avec oui, l'expérience microscope qui est encore en cours. Voilà. Oui, 10⁻⁰, je pense qu'ils ont. Je pense qu'ils doivent être à 10⁻⁰. Absolument fourni. Pour vérifier que, voilà. Et donc, avec ce principe d'équivalence, si même très, très, même de manière extrêmement minime, même s'il y a 10-16, 10-17, il y avait une légère différence, eh bien cette très très faible différence remettrait en question cette universalité du principe d'équivalence de la chute des corps dans le vide. Si on en vient à des choses plus pratiques, Pauline Comini, donc vous, votre intérêt c'est de montrer précisément qu'il y a une différence dans la chute de la matière et de l'antimatière face à un champ gravitationnel, qui est le champ gravitationnel terrestre, en l'occurrence celui que vous voulez tester. Mais alors du coup, si on revient au départ, l'antimatière, a priori, il n'y en a pas, ou il y en a très très peu. Là aussi, on a souvent largement discuté de ça. Hein. C'est l'une des grandes énigmes, d'ailleurs, de la physique contemporaine, puisqu'on pense que les deux ont été créées de manière équivalente au moment du Big Bang, mais que, pour une raison obscure, la matière a triomphé sur l'antimatière. Donc aujourd'hui, Pauline Comini, concrètement, comment est-ce qu'on produit de l'antimatière ? Alors, on ne prend pas de gants hein, pour produire l'antimatière. C'est une méthode assez brutale. En fait, on envoie des protons qu'on a accélérés dans une cible. Alors ça va être pour produire des antiprotons. Donc en fait, si vous avez entendu parler des collisionneurs, c'est un peu le même principe. Hein. On en fait des collisions entre des particules, et de là vont émerger des tas d'autres particules. Donc là, c'est le même principe, sauf que cette fois, les protons, on les envoie sur une cible qui est fixe. Et donc de là-dedans vont émerger de nouveau des tas de particules différentes, et parmi lesquelles il y aura des antiprotons, qu'on va récupérer en se basant justement sur le fait qu'ils ont une charge négative, qui est la charge opposée aux protons. Donc ça, c'est vraiment la méthode de force brute pour le faire. On peut faire la même chose un peu pour les positrons, pour créer les anti-électrons. Donc ça, c'est ce que nous, on fait dans GBAR. Donc c'est-à-dire que là, cette fois, on accélère des électrons, parce que c'est suffisant. Et puis là-dedans, on les envoie dans une cible, et ça va faire des rayons X, quand ils vont être freinés dans la cible. Et de ces rayons X, ceux qui ont suffisamment d'énergie pour faire une paire d'électrons et de positrons vont pouvoir en faire, et de nouveau, on va récupérer seulement les positrons. Voilà. Et enfin, il y a une autre méthode, et finalement, c'est celle qui produit, l'antimatière naturellement autour de nous, qui est par la radioactivité. Et notamment, il y a un type de radioactivité qu'on appelle bêta plus, dans laquelle, un proton dans un noyau a la possibilité de se transformer en un neutron, et dans le processus va être émis un positron en plus d'un neutrino. Voilà. Et donc là, ça c'est une autre façon, c'est de produire des radioisotopes qui ont cette capacité de se désintégrer et de produire les positrons. Et alors la question qui se pose, Pauline Comini, c'est qu'une fois qu'on a un antiproton et un positron, déjà comment est-ce qu'on les conserve, et ensuite dans un deuxième temps comment est-ce qu'on les assemble pour obtenir un atome d'antihydrogène? Alors donc il y a beaucoup d'étapes entre les deux pour arriver jusqu'à l'antihydrogène. Donc il faut imaginer que justement comme on a produit par exemple nos antiprotons en envoyant un faisceau très énergétique dans une cible, eh bien ce qui va sortir de nouveau est très énergétique, et ce qui nous, ce qu'on va appeler, c'est un peu très chaud, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir un peu mettre en forme cette espèce de faisceau qui émerge, de telle sorte qu'il soit utilisable. Et c'est pour ça que nous, au CERN, au lieu de travailler sur des accélérateurs de particules, eh bien, toute la partie antimatière travaille sur des décélérateurs d'antimatière. Pour essayer de récupérer cette antimatière et de pouvoir un peu la maîtriser. Donc on va avoir, donc là actuellement au CERN, on en a un qui s'appelle un décélérateur qui s'appelle le antiproton decelerator, qui fait une première étape de décélération, et puis depuis là quelques années, il y a un deuxième qui s'appelle ELENA, qui permet de descendre encore plus en énergie, et ce qui rend la capture des antiprotons plus facile pour les expériences. Et c'est vraiment indispensable. Voilà. Alors ça n'empêche pas que les premiers antihydrogènes aient été faits sur des faisceaux très énergétiques, mais on pouvait rien en faire. C'est-à-dire on pouvait observer leur formation, mais c'était fini. Voilà. Donc là, toute l'idée, c'est vraiment on va décélérer, on va faire autre chose, un autre processus, c'est refroidir. C'est un peu différent de décélérer, refroidir. Donc ça va être de diminuer finalement l'énergie que les particules ont les unes par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'est refroidir. Et puis une fois qu'on a fait ça, alors on va être capable de piéger de l'antimatière. Donc là, l'idée, alors c'est pas de l'arrêter, hein, c'est de lui contraindre son mouvement dans un endroit particulier. Et donc ça, on va pouvoir le faire avec des champs magnétiques ou avec des champs électriques. En général, c'est les deux combinés. Et donc il y a différents types de pièges qui nous permettent de coincer l'antimatière à un endroit. Et puis après, pour arriver jusqu'à l'étape de production d'antihydrogène, par exemple, eh bien il va falloir arriver à mettre en présence les antiprotons et les positrons. Et ce que font des expériences, par exemple, comme Alpha ou comme Aegis, on en reparlera peut-être après, eh bien ça va être de mélanger vraiment dans ces pièges les antiprotons et les positrons. Voilà, donc vraiment, on les piège ensemble et on les amène à se rencontrer ensemble. Ça c'est la méthode pour faire de l'antihydrogène, et qui a permis ensuite d'aboutir aux premiers antihydrogènes piégés. Et alors ça, c'est plus compliqué à faire, puisque les antihydrogènes, pour les piéger, on ne peut pas utiliser leur charge électrique, puisqu'ils sont neutres. Donc là, on oublie les champs électriques. Mais par contre, on peut utiliser une autre propriété, qui est leur moment magnétique. Et donc, on va pouvoir les piéger dans des champs magnétiques qui varient. Qui varient en espace, en fait, pas en temps. Donc ça, c'est ce que l'expérience Alpha a réussi à faire en 2010. Était de piéger les premiers atomes d'antihydrogène. Il faut rappeler que, évidemment, l'un des problèmes majeurs, quand vous dites qu'on a les tout premiers anti-atomes enfin l'antihydrogène qui a été produit, on a le temps on ne les voit pas en fait. On sait qu'ils ont été là parce que on détecte leur désintégration au moment où ils rentrent en contact avec de la matière, puisque je vous rappelle que matière et antimatière, quand ça se rencontre, ça s'annihile en produisant de l'énergie. Donc peut-être un commentaire, vous voulez compléter David Lunet, puisque maintenant il faut donc bien compris, grâce à Pauline Comini, comment on produit ces antiatomes, comment on arrive à les piéger. Il va encore falloir réussir à faire quelque chose, et ça n'est pas le plus simple, c'est de réussir à les faire chuter, puisque c'est ce qu'on veut regarder. Exactement. Donc j'ai parlé de Galilée tout à l'heure avec ses faire tomber ses boules. Vous imaginez bien que si il tremble avec ses boules, il va fausser la donne. Et donc c'est pour ça, il suffit pas de juste créer l'antihydrogène, il faut la figer. Et il faut que, comme a dit Pauline, le décélérer et aussi le refroidir. Il faut qu'il ait on a une enceinte de vide qui est de l'ordre de à peu près un mètre. Vous imaginez qu'il faut une vitesse en dessous de 1 mètre par seconde. Ce qui est très très très très lent pour des particules. Oui, alors vous prenez l'exemple, j'ai mon anti-sèche, je me rappelle jamais, mais un proton qui a la température ambiante, il a une vitesse de 2200 mètres par seconde. Donc beaucoup plus rapide, trop rapide pour faire cette manip. Et pour faire un mètre par seconde, il faut qu'on refroidisse nos antihydrogènes en dessous de 100 microkelvin. On cherche à être dans les dizaines de microkelvin. Peut-être on parlera tout à l'heure avec les techniques refroidissement laser qui font ça, mais on peut pas faire ça avec les antihydrogènes neutres. Et il faut, voilà la clé de notre expérience. La clé de Gebhard. Exactement, c'est notre atout, c'est qu'on fabrique non seulement les neutres, mais les ions, les antihydrogènes ionisés, c'est-à-dire un antiproton et deux positons. Avec ça, avec une charge, on peut, entre guillemets, plus facilement refroidir, parce que c'est avec l'interaction coulombienne qu'on refroidit. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sensibles au champ électromagnétique, pour le dire simplement. Atome ou un antiatome sont neutres, puisqu'ils n'ont pas de charge, leur charge est équilibrée entre les électrons et les protons, ou les antiélectrons et les positrons. Et bien là, en rajoutant un positron, vous le rendez positivement chargé, ça devient un ion, et donc c'est plus sensible au champ magnétique. Totalement sensible. Ceci dit, il y a Alpha qui refroidit par laser l'antihydrogène neutre. C'est difficile parce que c'est une transition laser qui est très difficile. Mais l'ion, on peut le refroidir comme ça, mais il faut le créer. Et ça coûte beaucoup plus en d'énergie et ingrédients. Et d'ingrédients, bien sûr. Voilà, il faut qu'on produise beaucoup de positons pour fabriquer cet ion. Et ça c'est le défi qu'on a toujours pas relevé, mais on y travaille. Il est en cours de travail. Ouais. On va continuer à parler de cette expérience Gebhard qui est évidemment encore en cours, puisque vous entendez bien évidemment la difficulté de manipuler cette antimatière, de créer ces antiatomes, ces anti-ions. Vous allez voir que l'une des étapes suivantes, c'est ce que j'expliquais à l'instant, de trouver une chambre et de savoir comment réussir à les faire chuter pour voir comment ils réagissent à la gravitation. Eh bien, on vous emmène visiter cette chambre en pleine construction dans quelques minutes. We'll be right back. Le nouveau morceau de Rugsop après plusieurs années d'absence avec Alison Goldfrapp, Impossible, à 16h37 sur France Culture. Ce n'est pas impossible et c'est un travail en cours dont nous vous parlons tout au long de cette heure. L'expérience Gebar qui cherche à tester la gravitation sur l'antimatière. Nous en parlons avec David Lunet qui est directeur de recherche CNRS à l'IN2P3 à l'Université Paris-Saclay et Pauline Comini, chercheuse à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA de Paris-Saclay. On avance un peu dans l'assemblage progressif de cette machine, de cette manipulation extrêmement complexe qui est Gebar pour Gravitational Behavior at Anti-Hydrogen at Rest, Anti-Hydrogen at Rest, qui voudrait dire le comportement gravitationnel de l'antihydrogène au repos. Comme je vous le disais juste avant la coupure musicale, la création d'une chambre de chute libre est la prochaine étape maintenant qu'on sait à peu près comment piéger ces ions d'antihydrogène. Cette chambre est actuellement en cours de production par une équipe de Jussieu où vous êtes rendu, Antoine Beauchamp, pour le reportage du jour. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Paul Indelicato qui est physicien, directeur de recherche CNRS au sein du laboratoire Kassler-Bruxelles. Avec son équipe, Paul Indelicato contribue à la conception de la chambre de chute libre qui servira pour observer le mouvement ralenti des ions d'antimatière dans le cadre de Gebar. Il nous explique quelles sont les contraintes à intégrer pour la conception de ce type de chambre, mais aussi ce qui la distinguera de celles déjà conçues et utilisées dans le cadre d'expériences en cours sur le campus de Sorbonne Université à Jussieu. Gebar, effectivement, on va fabriquer de l'antihydrogène très froid parce qu'il faut qu'on ait le temps de le laisser tomber, qu'il ne tombe pas trop vite. Et donc, il ne faut pas que ça soit en plus perturbé par la vitesse initiale de la particule. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir une particule complètement au repos, qu'on lâche et qui tombe. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer d'abord un ion qui va être composé d'un antiproton et de deux antiélectrons. Donc l'idée, qui n'est pas une idée simple non plus à faire, c'est de fabriquer cet ion anti-H-. L'H- est un ion qu'on connaît et qui est utilisé même, par exemple, pour chauffer dans les futurs ITER. On les accélère pour interagir avec les plasmas pour les chauffer. Mais là, on va donc fabriquer cet anti-ion et on va ensuite le stocker dans un piège de Paul, qui est un système standard pour refroidir des particules chargées. Et on va le mettre en présence de notre ion qu'on sait refroidir. Et les deux, en interagissant ensemble, vont finir par être des ions très très froids. On parle de typiquement un millième de Kelvin, qui est donc une température très très basse, très proche du zéro absolu. Et ensuite, on va le regarder tomber. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est le temps entre le moment où le laser va détruire cet ion et le moment où cet ion va toucher une paroi, où là, il va justement y avoir cette gerbe d'énergie qui va se dégager et de pions qu'on va détecter, parce que ça fait beaucoup d'énergie et que c'est facile à détecter. Et on saura combien de temps la particule a mis à tomber. Et donc, nous, on est plus précisément chargé de toute la partie suivante, qui est donc d'une part la chambre de chute libre, où il y aura tous les pièges dans lesquels on va refroidir les H-bar+. Et ensuite, les systèmes laser pour les casser. Et puis, donc, plusieurs autres équipes de Gebar vont s'occuper des détecteurs, donc des équipes du CEA et puis des équipes de Corée, pour l'ensemble des systèmes de détecteurs qui vont permettre de savoir qu'un antihydrogène a touché une des parois de la chambre de chute libre. Parlons-en de cette chambre de chute libre. À quoi ça ressemble concrètement et quels dispositifs sont nécessaires pour la construire? Donc, ça va être une chambre qui est dans un acier spécial. Alors, une des choses qui va être à faire et qui est en train d'être étudiée justement sur ces histoires d'interaction entre l'antihydrogène et les parois, c'est à quel point elle doit être polie à l'intérieur, etc., pour éventuellement autoriser un jour ces effets de rebond quantique. Donc, ça va être une chambre en métal assez grosse. Ça va être un hexagone, ce qui est pas, parce qu'on a trouvé qu'avec des chambres cylindriques, il y avait des problèmes. Donc, il y a eu toute une étude théorique qui a été faite ici en collaboration avec les gens de ETHZ à Zurich, pour essayer de comprendre comment on pouvait avoir la meilleure précision possible. Donc cette chambre, elle va être fabriquée avec des morceaux d'acier soudés entre eux. Une des caractéristiques, c'est qu'elle doit être aussi sous ultra-vide, parce que toute interaction avec du gaz résiduel causerait des problèmes. Et donc il faut des vides de l'ordre de 10-11 millibars. Il ne faut pas que les parois soient trop épaisses, parce que les particules non détectées passent à travers les parois. Et donc, il a fallu trouver les parois les plus minces possibles sans que les déformations ou les vibrations puissent affecter le système. Enfin bon, c'est toutes les choses qu'on a étudiées ici. Et donc, là, on est à peu près prêt. Et donc, on va commencer à essayer de trouver une entreprise capable de réaliser ça et puis de la construire. Donc, il faudra après vérifier, tester, mettre des pièges à l'intérieur et ensuite les tester sur éventuellement des ions de ce type-là, vérifier que tout marche bien avant de pouvoir l'installer au CERN pour faire les mesures directement. Donc là, on est devant, pour décrire, parce qu'on n'a pas l'image, mais on est devant une classique table optique avec pas mal de miroirs qui réfléchissent les lasers. Et donc là, constitue un petit peu la base des pièges à atomes froids en général. Tout à fait. Donc là, c'est des pièges à ions froids. Mm-hmm. Donc vous avez ici, dans cette chambre, vous avez donc un piège de pôle où on peut piéger soit les molécules H2+, et du beryllium+. Et tous les systèmes optiques que vous avez sur la table, ce sont des lasers qui vont d'une part servir à refroidir le beryllium+, et d'autre part, vous allez avoir les lasers qui vont servir à faire la spectroscopie de H2+, hein, qui est donc cette molécule qui est étudiée ici. Et donc, vous avez... Les systèmes lasers et puis aussi tout ce qui sert à faire la métrologie des lasers en question pour connaître précisément leur fréquence, et donc tout ça c'est l'expérience. Donc la partie qui va être comme G-bar, si j'ose dire, c'est tout ce qui va servir, tous les lasers qui servent à faire le beryllium plus, et puis la chambre que vous avez là, c'est une petite sœur de celle qui aura dans G-bar, qui sera beaucoup plus haute parce qu'il faut qu'on ait le temps de les voir tomber, et qui sera aussi plus grande et hexagonale. Mais tout ce qui est les pièges qui sont à l'intérieur, c'est le même type de pièges que ceux qui seront dans G-bar. Et donc ici, on peut aussi étudier certaines de leurs propriétés, s'entraîner à faire le refroidissement par beryllium plus. Enfin, cette équipe fait ça depuis longtemps, donc ils maîtrisent ça très bien. C'est pas vraiment la petite sœur de G-bar, mais c'est en tout cas des expériences qui sont une lointaine cousine, mais qui permet de préparer toute la partie amont de G-bar dont je parlais tout à l'heure. Quand vous dites que la chambre qui sera utilisée pour G-bar est plus haute pour qu'on ait le temps de voir tomber, alors on parle de quelle temporalité? Quelques millisecondes, typiquement. Hein, donc, et même en ayant refroidi les ions H-bar plus à 10 nanokelvin, on va avoir quand même des temps de chute qui sont la dispersion de vitesse liée au piège, où pourtant c'est très froid, va représenter à peu près une erreur de 50% sur le temps de chute. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des statistiques, il faut en regarder beaucoup pour pouvoir faire une courbe où on va trouver le maximum, et puis en déduire le temps de chute avec la précision qu'on veut. Et donc évidemment, plus il y aura d'ions qui vont le faire, plus on pourra déterminer ce maximum avec précision. Mais donc c'est ça qui est difficile aussi, hein, c'est que même avec une chambre qui cette hauteur là, vous avez cette hauteur là, donc ça fait une soixantaine de centimètres, pardon. Et donc le temps de chute est assez court, et l'imprécision liée au temps de détection des particules qui sont créées que ça, et les vitesses initiales même de trucs très froids vont élargir la courbe, et donc là c'est là qu'il faudra aussi travailler. C'est pour ça que si on peut faire ces rebondissements liés aux forces quantiques avec les parois, ça peut permettre d'avoir un peu plus de temps et donc d'améliorer aussi la précision. Voilà, vous avez visité cette chambre de chute libre de l'anti-hydrogène comme si vous y étiez. Un commentaire rapide sur ce reportage et sur cet équipement qui devrait compléter et retrouver G-bar, Pauline Comini. Oui, alors juste un commentaire, parce qu'au tout début du reportage, quand vous l'avez présenté, vous avez dit qu'on allait enfin pouvoir refroidir nos ions dedans. Alors les ions, on ne les a pas encore produits, que ce soit clair. Voilà. On est en train de travailler dessus. C'est ce que disait David Lunet tout à l'heure, hein. Il a dit qu'on n'y était pas encore. Donc on ne les a pas encore, mais en fait, ça c'est la première étape clé. Et une fois qu'on les a, effectivement, vient la partie de l'expérience par elle-même qui va regarder la gravitation et qui va se passer dans cette chambre de chute libre. Donc, juste un petit commentaire, c'est que les gens peuvent peut-être se demander pourquoi on dit qu'on utilise du beryllium pour refroidir des anti-hydrogènes. Donc là, on a un peu l'impression qu'on va mettre nos anti-hydrogènes dans un frigo. Et c'est un peu l'idée, sauf que intuitivement, on va dire oui, mais alors donc on a de l'antimatière qui va rencontrer de la matière, finalement. Et ça devrait s'annihiler. Et donc là, c'est toute l'astuce de passer par un ion, par notre anti-hydrogène chargé. C'est que cet anti-hydrogène, il a une charge positive. Et il va rencontrer, en fait, il va être mis en présence de beryllium qui sont eux aussi de charge positive, ce sont aussi des ions. Et donc on va jouer sur le fait que deux charges électriques de même charge se repoussent. La distinction. Donc finalement ils vont ils ne vont pas pouvoir s'annihiler. C'est vraiment ça toute l'astuce. Et donc on va pouvoir refroidir le beryllium. Et les deux, le beryllium et notre ion d'antihydrogène, ils vont être mis ensemble dans un puits de potentiel, donc ils sont couplés tous les deux. Et donc en fait, notre ion d'antihydrogène va réchauffer le beryllium, qui lui va être refroidi par laser. Donc au total, notre ion d'antihydrogène aura baissé sa température, et ainsi de suite. Et sans toucher, voilà. Et sans rentrer en contact avec... Et sans toucher notre beryllium. Mais donc ouais. il reste toujours piégé. Le temps passe, on avance. Je pense que ça va être le moment de retrouver votre doctorant dans la recherche montre en main, David Lunet. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Corentin Roumégou. Bonjour Corentin. Vous travaillez sur les mesures de production de l'antimatière pour l'expérience GEBAR au CERN. Ça tombe bien, votre thèse est en préparation à l'Université de Paris-Saclay sous la direction de David Lunet. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci. Donc, effectivement, ma thèse est issue d'une bourse inter-institut entre l'UGC Lab d'Orsay, donc l'IMP 2T3 et le LKB à Paris, l'INP, porte sur la mesure de production de l'antimatière pour l'expérience GEBAR. Alors, la production d'antimatière dont il s'agit ici, c'est celle qui se produit au niveau de la chambre de réaction d'expérience, avec la création d'antihydrogène neutre, puis d'ion d'antihydrogène. L'antimatière, c'est quelque chose d'assez simple conceptuellement, c'est globalement la même chose que les particules de matière, mais avec une charge opposée. Donc ici, par exemple, un atome d'hydrogène, l'atome le plus simple pour la matière classique, c'est un proton avec une charge positive plus 1, et un électron avec une charge négative moins 1, ce qui donne un atome neutre. Donc pour avoir un atome d'antihydrogène, il suffit de prendre un antiproton de charge moins 1, et un antiélectron ou positron de charge plus 1, et on obtient un antiatome neutre. Comme dit, l'objectif final de l'expérience GEBAR est de mesurer la constante de gravitation pour l'antimatière en étudiant la chute d'un atome d'antihydrogène neutre. Mais pour amener cet atome d'antihydrogène jusqu'à la chambre de Schlieber, on est obligé de passer par un ion antihydrogène H+, qui a, lui, a l'avantage d'être chargé, qui permet de le manipuler plus facilement avec des champs électriques ou magnétiques. Maintenant, si on s'intéresse plus précisément à ce qui se passe au niveau de la chambre de réaction, l'objectif est donc de créer un ion antihydrogène avec un antiproton et deux antiélectrons, donc une charge totale de plus 1. Pour cela, on passe par une double réaction des antiprotons sur du positronium, le positronium étant un état lié d'un électron et d'un antiélectron. Lors de la première réaction, l'antiproton récupère un antiélectron, ce qui donne déjà un antihydrogène, puis un second antiélectron est échangé avec un autre positronium lors de la seconde réaction pour donner un ion antihydrogène H+. À noter que ces réactions ont une certaine probabilité de se reproduire, donc on parle de section efficace. Il faut donc un certain nombre de chocs réactifs pour espérer obtenir un ion antihydrogène à la fin. Plusieurs modèles théoriques ont été réalisés pour prédire ces valeurs de section efficace, mais n'ont jamais été mesurés expérimentalement. C'est donc l'un des objectifs majeurs de GEBAR et de ma thèse. D'autre part, la création d'un ion antihydrogène sera une première et un résultat très intéressant, car comme dit précédemment, un antiatome chargé serait beaucoup plus facile à manipuler. Ce sont donc ces deux réactions de production d'antimatière qui sont l'objectif de ma thèse, mais pour les rendre possibles, il faut d'abord amener des antiprotons et des antiélectrons au niveau de la chambre de réaction. Donc pour cela, la zone expérimentale de GEBAR est composée principalement de deux lignes de faisceaux, une première pour les antiélectrons et une autre pour les antiprotons. Donc les positrons proviennent de la collision d'électrons sur une cible de tungstène grâce à un accélérateur linéaire d'électrons spécifique à GEBAR, et de l'autre côté, les antiprotons sont fournis par le CERN. Ils sont également produits à la suite d'une collision de protons sur une cible métallique, puis transporté via plusieurs niveaux de décélération jusqu'à l'anneau ELENA, qui fournit l'ensemble des expériences d'antimatière au CERN, dont GEBAR. Mais le faisceau d'antiprotons fourni par ELENA est encore trop énergétique pour que les réactions de production d'antihydrogène soient optimales. On a donc un décélérateur linéaire supplémentaire à l'entrée de GEBAR, et c'est une partie sur laquelle je travaille particulièrement. Le faisceau passe au milieu de plusieurs électrodes en forme de tube creux. L'électrode qui permet la décélération est chargée négativement, tout comme les antiprotons, qui vont donc être ralentis à l'approche du tube, un peu comme deux aimants de polarité identique qui se repousseraient. Puis lorsque les particules sont à l'intérieur du tube, on coupe la charge sur le tube pour éviter de les réaccélérer le faisceau à la sortie. On a aussi d'autres électrodes qui permettent de focaliser le faisceau de particules, comme le faire une lentille optique, une loupe avec de la lumière. On parle d'ailleurs d'optique ionique. L'avantage de cette thèse, c'est d'abord de pouvoir travailler sur de nombreux domaines différents. Ici, par exemple, il faut d'abord réaliser des simulations sur ordinateur pour déterminer l'emplacement et la géométrie des différentes électrodes. Puis, il faut réaliser le montage dans les chambres à vide en veillant à tous les détails pour garantir un bon niveau de vide. qui implique généralement ensuite de devoir relever certains problèmes techniques pour faire fonctionner l'expérience, donc atteindre un niveau de vitesse suffisant, mais aussi gérer les problèmes liés à la haute tension dans le cas du desserrateur, par exemple. Enfin, si tout fonctionne, on peut passer à la prise de données et à leur analyse, et on espère avoir des premières données révélant la création d'entités jaunes avec le redémarrage des différents accélérateurs du CERN cette année. Merci beaucoup Corentin pour cette présentation. Désolé pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que la qualité de la liaison téléphonique n'était pas excellente. Un mot David Lunet. Bon déjà merci Corentin d'avoir résumé un peu finalement le début de l'émission en reposant les bases de votre travail et le cadre de votre travail. La machine Gebar, si tout va bien aujourd'hui, cette expérience, David Lunet, elle fournira ses résultats sur vraiment les questions de gravitation et d'antihydrogène quoi, en 2025 Idéalement, oui. Je dois dire que le Covid, malheureusement, nous a beaucoup retardés. Mais oui, on y travaille. Maintenant, le système fonctionne. On a commencé à faire des mesures. La fameuse chambre de chute libre, j'espère que ça serait livré assez rapidement de LKB. Et après, on peut s'y atteler. La question qui se pose, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, c'est qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va faire un peu de spéculation, mais ce modèle avec de l'antigravité, hein, ce modèle, il a été théorisé par un certain nombre de personnes. On appelle ça le modèle de la cosmologie de Dirac-Milne, qui postule qu'il y a un anti-univers, donc un univers d'antigravité, eh bien qui est inaccessible, qui a peut-être été repoussé depuis le début. En France, Gabriel Chardin travaille également beaucoup sur ce modèle. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment que cette antimatière remonte, qu'elle tombe à l'envers? Ou est-ce que si vous trouvez juste des modifications dans le rapport de l'antimatière à la gravité, ça veut dire que déjà ça risque de bouleverser le modèle cosmologique? Tout à fait. Bon, effectivement, il y a ces deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'antigravité qui fait... qui scotche les gens au plafond. Et intellectuellement et physiquement. Exactement. Et Gabriel, parmi d'autres, Gabriel a élaboré ce modèle Dirac-Milne avec son étudiant Aurélien Benoît Lévy. Eh bien, il faut se rappeler que si on compare avec l'interaction électromagnétique, ça agit sur quelque chose qui a une charge, qui peut être positive ou négative. C'est une théorie vectorielle, alors que Einstein nous a donné la relativité générale étant tensorielle. Et donc, s'agit avec le graviton sur la masse, équivalent énergie-masse. Le graviton qui serait la particule qui est vectrice de gravitation, mais là aussi, c'est avec beaucoup de prudence. Tout à fait. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour le modèle de Chardin, c'est que cette masse, pas comme la théorie électromagnétique, qui peut être positive ou négative. Si on admet que la masse pourrait être négative, et comme dit Gabriel, c'est une prédiction de la relativité générale qui produit ça. Il faut simplement admettre que. Et c'est un saut que beaucoup de monde n'est pas prêt à faire. Mais ça, c'est cette mesure-là, déjà, ça va écarter. Ça n'a jamais été mesuré. Donc ça serait déjà super intéressant parce que c'est la relativité générale. Mais l'autre aspect que vous avez évoqué, c'est qu'il y a des moyens. Pourquoi pas une gravité tensorielle plus vectorielle comme l'électromagnétisme. En ce cas-là, on pourrait avoir les composants qui agissent différemment sur l'antimatière et la matière, et qu'on aurait éventuellement une antiparticule, un antihydrogène qui tomberait pas exactement à la même vitesse. Et ça, c'est quand même un peu plus ce qu'on pourrait facilement imaginer. Et par contre, donc cette mesure de la signe, on pense que la manip alpha, c'est un peu David et Goliath avec alpha. Mais alpha, je pense qu'ils vont pouvoir dire que ça tombe pas vers le haut. Par contre, pour pour détecter une différence, il faut une mesure de précision, il faut les antihydrogènes très très froids, et c'est là où on apporte notre bon grain de sel, voilà, à déterminer. Si on a la chance, c'est un grand défait. Bon, la nature, elle garde ses secrets jalousement, n'est-ce pas? Si on n'a pas de bol, il faut aller plus fort, ralentir encore et refroidir encore, voilà, et arriver à plus de précision. Un tout dernier mot justement là-dessus, Pauline Comini, pour conclure. Oui, alors en l'occurrence, ce serait pas forcément d'arriver à refroidir plus, parce que nous, si on arrive à nos fameux 10 microkelvin, vraiment, on aura du mal à faire mieux. Mais par contre, après, ça va être d'être plus malin et de trouver des nouvelles idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces antihydrogènes froids. Et en fait, Pauline Delicato a mentionné qu'on allait pouvoir peut-être utiliser un effet de rebond quantique. Donc ça arrive quand vous avez une particule qui arrive très lentement sur une surface. Donc c'est dû à des effets qu'on appelle l'effet Casimir. Et donc ça, en faisant ça, en jouant là-dessus, en fait, on va pouvoir, par exemple, sélectionner les atomes parmi ceux qu'on a produits, ceux qui sont les plus lents. Et puis on va pouvoir s'amuser aussi à faire des interférences entre des atomes. Donc voilà, donc ça, c'est des méthodes qui ont été regardées d'un point de vue théorique. Et qui, pour nous, peuvent vraiment nous amener à faire une mesure beaucoup plus précise que tout ce qui peut être envisagé actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, les manips au CERN, leur objectif, c'est à peu près d'atteindre 1% de précision sur la mesure de l'accélération de la pesanteur pour l'antimatière. Et là, on pourrait vraiment aller à pratiquement une partie par million, en fait, avec ce genre de méthode. Merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Merci beaucoup. On suivra évidemment les progressions et l'avancée des résultats de GEBAR. Merci David Lunet. Merci Pauline Comini. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Audrey Guélil à la réalisation et on se retrouve demain jusqu'à preuve du contraire.